vieille dame a mordu mon chien. Mon pauvre boule, c'est gentil. Femme fou, les boules, c'est un coup. Quel chagrin, quel chagrin. Lorsque tout à coup, soudain, alors que j'allais acheter mon vin, un sale gosse a mordu mon chien. Mon pauvre petit boule, si gentil. Ça me fout les boules, ces abrutis. Ils préfèrent les boules à mon petit boule, à mon petit boule, à mon petit boule. Papa, papa. Cut.